Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Vu. Comme chaque semaine, on se pose, tranquille, que vous soyez en pleine préparation des concours ou simplement curieux, on vous a concocté un petit récap de l'actu pour que tout le monde y voit plus clair. Au menu, Mathilde nous parlera de précarité étudiante. On partira ensuite en Israël avec Chloé, qui reviendra sur le possible et fâcheux retour de celui qu'on appelle Bibi. Esteban, qui a écrit sa chronique il y a 10 minutes, nous parlera d'aimants géants et de fusion nucléaire. On prendra ensuite la route du Rhum avec Louis, notre spécialiste sport et voile. Et enfin, Bruno nous partagera sa plus grande passion, le fichage de l'actualité. Mais pour l'heure, place à l'habituel affluoté avec Colline. Le début du nouvel aube. Après 2 ans de guerre, le gouvernement éthiopien et les autorités du Tigré ont signé un accord de paix historique. Le Front de libération du peuple du Tigré est appelé à déposer les armes. De l'autre côté, Addis Abeba s'engage à protéger les civils. Mais cet espoir est à prendre avec des pincettes, selon les experts du conflit. Le fameux retour de la COP. À partir de demain et jusqu'au 18 novembre, les dirigeants de 200 pays se réunissent à Sharm el-Sheikh en Égypte pour la 27e convention. Mais ce choix ne fait pas l'unanimité et reprocher au pays un partenariat avec Coca-Cola ou encore la répression de la liberté d'expression. Dernier dérapage, l'arrestation d'un activiste écologiste pour avoir entrepris une marche entre le Caire et la ville haute. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Santé publique France nous a rendu son rapport sur la consommation d'antibiotiques de 2021 et la France n'est pas un exemple à suivre. 700 ordonnances ont été délivrées pour 1000 habitants, 5% de plus qu'en 2020. L'Agence nationale constate une forte augmentation chez les enfants, une habitude inefficace et surtout dangereuse. Payer les factures de Twitter, c'est l'explication d'Elon Musk qui a annoncé une version premium du réseau social. Concrètement, si demain toi, Apo, tu veux la certification sur ton compte, il te suffit de payer 8€ par mois. La proposition n'a pas conquis les utilisateurs de l'Oiseau Bleu. Certains comptes certifiés menacent même de partir. Une cérémonie un peu spéciale. Jeudi, Brigitte Giraud a remporté le prix Goncourt pour son roman Vivre vite, mais la soirée n'a pas fait oublier la polémique. Pour rappel, lors de l'annonce des 4 finalistes à Beyrouth, certains membres du jury n'étaient pas présents. Ils avaient décidé de boycotter l'événement après les propos antisionistes du ministre de la Culture libanaise. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre. Mon ennemi, c'est la finance. Écoutez, petit bonhomme. La semaine dernière, une étudiante boursière a poussé un cri de détresse sur TikTok. Maëlle vit avec 100€ par mois. Elle alarme sur les conditions de vie de milliers d'étudiants, notamment ceux qui viennent d'outre-mer. Mathilde, tu nous en dis plus. C'est une jeune femme en larmes qui s'adresse aux internautes de TikTok le 1er novembre. Elle explique que ses bourses étudiantes sont passées de 345€ à 100€ par mois. Elle est donc obligée de travailler en plus de ses études pour subvenir à ses besoins. Mais alors comment expliquer cette baisse de 245€ ? Eh bien, il semblerait que les revenus de ses parents à Mayotte en soient la cause. Comme le salaire de sa mère a augmenté face au coût de la vie très cher sur l'île, le Crous a rétrogradé Maëlle de l'échelon 4 à l'échelon 0 bis. Et lorsqu'elle interpelle l'organisme de leur erreur de calcul, celui-ci lui répond qu'il n'y en a pas. Mais est-ce que le gouvernement a déjà réagi ? Hasard du calendrier, alors que sa vidéo a déclenché une avalanche de soutien et la création d'une cagnotte, la réforme des bourses, réclamée de longue date par les syndicats étudiants, vient d'être lancée le 7 octobre par le ministère. Mode de calcul, montant, indexation en fonction du lieu de domicile et du lieu d'études, ou encore modification des échelons, voici les propositions apportées par les syndicats qui permettraient de mettre un peu de beurre dans les épinards des boursiers. La concertation devrait durer toute l'année avec remise d'un bilan d'ici l'été. En attendant, Sylvie Retailleau, la ministre de l'Éducation nationale, se dit prête à agir pour les étudiants et rappelle toutes les mesures prises contre la précarité, dont le fameux repas à 1€. Et c'est précisément ce repas à 1€ qui pose problème. Il a fait grand bruit sur Twitter cette semaine, après que des photos aient été prises au Crous de Rennes. On y voit des places servies aux proportions drastiquement réduites. Pour se justifier, le directeur du Crous Bretagne dit respecter un grammage réglementaire correspondant aux dépenses caloriques d'un adulte. De quoi pérenniser la précarité étudiante. Tu nous parles maintenant des internes qui poursuivent leur grève contre la 4e année de médecine générale. Et oui, Apolline, les syndicats des étudiants se mobilisent contre l'ajout d'une 4e année d'internat dans les déserts médicaux. L'association des étudiants en médecine appelle à faire grève tous les jeudis et vendredis. Le mouvement doit durer jusqu'au 17 novembre, jour d'une nouvelle manifestation contre le projet du gouvernement. Si la mesure entre en vigueur dès la rentrée prochaine, il faudra alors compter 10 ans d'études pour devenir généraliste. Du côté de la justice française, un rapport du ministère révèle une hausse du nombre de détenus en France. Plus de 72 000 personnes séjourneraient derrière les barreaux. Et oui, c'est un bien triste record que vient de battre les prisons françaises. Il n'y avait jamais eu autant de détenus en France. Les chiffres déplorent une évolution annuelle de 4,6%, alors que les places opérationnelles, elles, n'ont quasiment pas évolué. À Angers, à Laval ou encore à Saint-Brieuc, certains détenus n'ont aucune intimité et dorment sur des matelas à même le sol. Everybody knows the rules. You are entitled to a beautiful new blue passport. We did it, Joe. God bless you all. Il semblerait que Benjamin Netanyahou pourrait retrouver son poste de Premier ministre en Israël, Chloé. Et oui, Apolline, l'ex-Premier ministre qu'on surnomme Bibi, pourrait bientôt reprendre les rênes du pays. Il a été en poste de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021, et aujourd'hui, son parti conservateur, le Likoud, arrive en tête des élections législatives, les cinquièmes en 3 ans. Il dépasse le parti Yesh Atid du Premier ministre sortant, Yair Lapid, alors même que les élections n'ont pas mobilisé autant d'Israéliens depuis 2015. Mais pour autant, pas de triomphe ni d'explosion de joie chez les militants du camp Netanyahou, car un nouveau défi commence maintenant, former une coalition pour obtenir la majorité. Et autant te dire que ce n'est pas gagné d'avance. Le parti est crédité de 30 à 31 sièges sur les 120 du Parlement appelé le Knesset. Comment compte-t-il faire pour obtenir la majorité, concrètement ? Pour gouverner en Israël, il faut obtenir 61 sièges sur les 120 du Parlement. Pour ce faire, Benjamin Netanyahou noue une coalition avec le parti sioniste religieux d'extrême droite. Ce parti vient de réaliser une percée historique et a doublé son score par rapport aux dernières élections, ce qui en fait, de fait, un allié de choix pour le candidat. Et ça lui permet d'avoir le nombre de sièges qu'il faut pour avoir la majorité, et donc de redevenir Premier ministre. Et alors, le parti d'extrême droite qui veut récupérer des gros ministères est d'accord pour s'allier ? Côté extrême droite, l'un des leaders, Itamar Ben-Gvir, a axé toute sa campagne sur la sécurité après une vague d'attentats qui a frappé Israël l'année dernière. Ben-Gvir se voit déjà ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Netanyahou pour être à la tête de la police. Raciste, homophobe et profondément anti-arabe, si ce parti forme une coalition avec Netanyahou, on peut s'attendre au pire pour les droits humains dans le pays. Reste à savoir s'ils sauront gouverner ensemble et rien n'en est moins sûr. On part maintenant au Pakistan, Chloé, où le peuple est dans la rue. La longue marche, voilà comment le peuple pakistanais appelle le mouvement politique mis en place depuis le 28 octobre. Après les inondations meurtrières de cet été, le pays fait face à une crise économique doublée d'une crise humanitaire que n'arrive pas à gérer le gouvernement actuel. À l'appel de l'ex-premier ministre, évincé en avril dernier Imran Khan, des milliers de personnes se sont réunies à Lahore, une ville à l'est du pays, et prévoient de parcourir 380 km pour rejoindre la capitale, Islamabad, où aura lieu un sit-in pour obtenir des élections anticipées. Mais rebondissement dans la marche puisque Imran Khan s'est fait tirer dans la jambe jeudi 3 novembre. Si le premier ministre en poste, Shehbaz Sharif, a condamné la fusillade, le peuple est inquiet pour l'ancien dirigeant qui fait, encore aujourd'hui, figure d'icône du cricket, le sport national dans le pays. Et alors que le peuple pakistanais est dans la rue, en Chine, on se refait confiner. C'est le cas à Disneyland Shanghai où une visiteuse a été testée positive et a entraîné le confinement de toutes les personnes présentes dans l'enceinte du parc, jusqu'à l'obtention d'un test négatif, et ce n'est pas tout, Chloé. Le nombre de cas positifs en Chine est en hausse, avec plus de 2000 nouveaux cas positifs annoncés mercredi 2 novembre pour le 3e jour d'affilée. Le jour même, les autorités chinoises ont décidé de confiner pour une semaine les 600 000 personnes vivant autour de l'usine Apple de Zhengzhou. L'usine emploie plus de 200 000 personnes et est touchée depuis mi-octobre par des cas positifs au Covid. Selon des analystes, ce complexe assure l'assemblage d'environ 80% des iPhone 14. Alors si vous êtes dans la team Apple et que vous avez prévu d'investir, il va sûrement falloir être un peu patient. Le blé, fais gaffe, un coup t'en as, un coup t'en as plus. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Oh, gardez vos nerfs. Moi je suis une star des maladies infectieuses. Esteban, la Russie a envoyé mardi un aimant géant vers la France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si je te disais que cet aimant de 9 mètres pouvait sauver le monde en étant à l'origine d'une énergie non polluante et illimitée. Ah bah oui, là ça m'intéresse. Alors je reprends depuis le début. Mardi, il a réussi à livrer à la France cet aimant dans le cadre du projet ITER, une collaboration de 35 pays qui a pour but de réussir à terme la fusion nucléaire. Alors cette idée folle, imaginée en 1985, a vu le jour en France, dans les Bouches-du-Rhône en 2005, où une centrale, à fusion nucléaire donc et non à fission, a été construite. L'idée vend du rêve, il s'agirait de reproduire sur Terre les réactions du Soleil et ainsi produire de l'énergie, écoutez bien, verte, illimitée, sans risque et sans radiation. Pour y parvenir, il faut fusionner deux atomes d'hydrogène dans un réacteur chauffé à 150 millions de degrés. La réaction se fait dans du plasma, un quatrième état de la matière, et elle est censée libérer une quantité d'énergie 4 millions de fois supérieure que le charbon. Et pour réussir à contenir, à confiner cette énergie pour pas qu'elle ne désintègre les parois du réacteur, les ingénieurs ont découvert que des aimants feraient parfaitement l'affaire, d'où la livraison cette semaine de cette pièce clé. Au passage, ITER est le dernier projet commun entre Paris et Moscou depuis la vague de sanctions. Mais alors, c'est pour quand cette fusion nucléaire ? C'est là que les choses se compliquent. La nécessité de chauffer au départ le réacteur pour que l'hydrogène fusionne demande beaucoup d'énergie, plus d'énergie que ce qu'on arrive pour l'instant à en tirer après la fusion. Alors il suffit de construire des réacteurs plus grands pour faire durer les réactions plus longtemps, mais il faut d'abord s'assurer de maîtriser parfaitement la fusion dans la centrale ITER avant d'en construire d'autres à échelle industrielle. Et le calendrier le plus réaliste nous amène à 2060, avant de voir fleurir partout dans le monde des centrales à fusion. Pas compatible donc, pour l'instant, avec l'objectif de zéro émission nette de carbone en 2050. Autre sujet, le Secours Populaire a publié une étude alarmante. Selon cette étude parue vendredi 4 novembre, un Français sur quatre déclare être en situation précaire. L'enquête a été menée auprès de 6000 personnes. Les questions étaient tournées sur les habitudes de vie, telles que le fait de renoncer à des déplacements et à des soins, ne pas chauffer son logement ou encore sauter des repas dans la journée. Il en résulte, d'après un calcul du Secours Populaire, que 24% des Français seraient en situation fragile. Les raisons avancées sont l'envolée des prix, la crise énergétique et les conséquences de la guerre en Ukraine. Pour terminer, cette semaine, Internet a littéralement créé un pays et la blague a plutôt bien marché. Le Liechtenbourg, c'est le nom de ce petit pays limitrophe à l'Espagne et au Portugal, inventé de toutes pièces par les internautes. La supercherie est née comme souvent sur Twitter, mais elle a connu un vrai emballement parce que tout le monde dit y aller de sa blague sur le pays, à qui on a donné des régions, des villes, des ministères, une police. Bref, Liechtenbourg est devenu viral au point où même des institutions et des entreprises ont suivi. A noter qu'à l'origine, le pays a été créé pour se moquer des Américains, réputés nuls en géographie. And the Oscar goes to... Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte qu'il a, la chatte. De ton côté, Louis, tu nous fais prendre le large avec la route du Rhum. Il y a une idée géniale de la part de Michel Etévenon, donc le créateur de la route du Rhum, qui dit les Anglais ont fait la transat anglaise, on va leur faire la nique et on va faire la même. Ça partira de France et ça arrivera en France. Effectivement, comme le précise Michel Desjoyeaux dans une vidéo du Telegram, la course de la route du Rhum a été créée dans un esprit de compétition entre navigateurs français et anglais. Depuis 1978, la course relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Comme sa petite sœur de Vendée, elle revient tous les 4 ans pour le plus grand plaisir des fans de voile comme moi. Et tu nous dis que cette année, la course est en deuil. Tout à fait. Le 26 octobre dernier, le Canadien Mike Birch est mort à l'âge de 90 ans. Pour rappel, il avait remporté la première édition de la course en 1978 avec 91 petites secondes d'avance sur son premier concurrent. Une arrivée plus que serrée après 2 semaines en mer, de quoi assurer le spectacle pour les fans de l'époque. Mais alors pourquoi suivre cette course en 2022 si l'édition la plus intéressante remonte au siècle dernier ? D'abord, Apolline, parce que certains jurys aiment les questions sur la voile et sont susceptibles de vous en poser. Mais surtout parce que la route du Rhum marque l'histoire à chacune de ses éditions. Pour exemple, seront alignés au départ de la course ce dimanche 6 novembre, pas moins de 138 coureurs, un record absolu. Et donc ces 138 coureurs sont susceptibles de gagner ? Eh bien non, Apolline, c'est là toute la spécificité de cette course. Les différentes catégories, il y en a 6 au total, dont 2 en amateur, font que certains bateaux sont plus rapides que d'autres. Il y a donc un grand gagnant, toutes catégories confondues, et un gagnant par catégorie. Mais en fait, qu'est-ce qui différencie les catégories ? C'est la taille des bateaux. Plus un bateau est grand, plus il est rapide. La catégorie reine est celle des ultimes, des bateaux à plusieurs coques qui sont parfois volants. Apparue en 2018, cette catégorie de trimarans, c'est leur nom, à la pointe de la technologie, est en théorie la plus rapide. Mais ça, c'est la théorie. Lors de la dernière édition, tous les ultimes ont été victimes de problèmes techniques, favorisant la victoire d'un bateau plus vieux. Donc si je comprends bien, il n'y a pas de favori. C'est vrai qu'il est assez difficile de faire des pronostics. Il faut tout de même rappeler que le vainqueur sera sûrement l'un des navigateurs à la barre de ces trimarans ultra rapides. On reste de l'autre côté de l'Atlantique où tu nous dis que Kanye West prend une pause. Eh oui, après une semaine plus que mouvementée pour le rappeur originaire de Chicago, il vient d'annoncer ne plus s'exprimer pendant 30 jours, le tout retiré, sans consommation d'alcool ni de films pornographiques. Donc une sorte de pèlerinage. Je ne sais pas si on peut parler de pèlerinage, mais ses derniers déboires depuis son apparition avec un t-shirt « White Lives Matter » et son tweet considéré comme antisémite l'ont peut-être calmé. Il a annoncé avoir perdu 2 milliards d'euros après la fin de ses contrats avec plusieurs marques comme Adidas, Balenciaga ou encore Gap. Une affaire à suivre. Retour à Paris où tu nous parles maintenant de NFT. Oui, puisque l'AFP a décidé de vendre 3 de ses photographies aux enchères sous ce format numérique infalsifiable. On parle ici de la première dépêche d'information datant de 1944, d'une photo de Gainsbourg qui brûle un billet de 500 francs et, plus étonnant, la photo de Bernie Sanders en moufle lors de l'investiture de Joe Biden en 2021. Comme quoi les non-fungible tokens gagnent aussi le monde du journalisme. Je te donne juste un petit conseil. Franchement, il faut que tu vois ça. Tu le connais, lui ? C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro ? C'est un incontournable. Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe. C'est où que ça twerk ? Mais elle est où, la moulaga ? On termine l'émission avec les habituels conseils pour les concours. Aujourd'hui, Bruno, tu t'attaques à quelque chose qui fait souvent peur aux étudiants, l'actualité, et plus précisément, comment la ficher. Personne n'aime ça. En même temps, prendre plus d'une heure tous les soirs pour ficher l'actu au bout d'un moment, ça fatigue. Pour dire la vérité, en arrivant en école, on se rend compte que beaucoup ont tout simplement fait une overdose d'actualité, cocasse pour des gens qui veulent devenir journalistes. Mais être au point avec l'actualité au long de l'année est primordial pour réussir les concours et l'afficher est le meilleur moyen de tout retenir. Si vous arrivez à retenir l'actu juste en écoutant la radio à longueur de journée, vous pouvez arrêter d'écouter cet épisode. À la semaine prochaine. Pour ceux qui sont encore là, voici quelques conseils qui peuvent vous aider. Alors déjà, la presse quotidienne nationale va devenir votre plus grande amie. Le Monde est la référence en ce qui concerne le fichage d'actualité. Partez plutôt du site web que du journal, car il y a tout simplement plus d'articles et que vous n'êtes pas là pour faire au plus vite. Fichez l'actualité selon les différentes rubriques et surtout ne faites pas l'impasse sur l'économie ou le sport, parce que vous êtes moins à l'aise avec ça. Le jury, lui, ne fera pas de distinction. En ce qui concerne le choix des sujets affichés, n'oubliez pas les grands classiques des écoles de journalisme, les différents prix et récompenses, mais aussi tous les membres du gouvernement français, vous devez connaître ça par cœur. Pareil pour les grandes compétitions internationales en sport, surtout si des Français s'y sont illustrés. Donc on pourrait avoir 20 sur 20 en actu juste en lisant Le Monde. Alors ce serait beau, mais non. Vous pouvez aller voir ce qui se fait du côté d'autres journaux généralistes comme Libé ou Le Figaro. Les dossiers de la Croix sont très complets eux aussi. Ne vous limitez pas à la presse écrite, variez les supports. Écoutez les journaux des matinales d'RTL, Europe 1 ou France Inter. Trouvez-en une qui vous plaît et que vous pourrez écouter avec plaisir. En ce qui concerne la télé, France Info n'importe quand dans la journée, c'est très bien. Si vous voulez un JT qui est moins regardé mais qui est pourtant très cool, celui d'Arte à 19h45. Il parle de sujets internationaux que tous ne traitent pas forcément. Avec tous ces médias, ça vous fait quand même un paquet d'infos. Ne vous limitez pas au fichage quotidien, ciblez des dossiers d'actu importants et faites-vous des fiches complètes. Mais ça fait quand même beaucoup de travail pour une seule personne. Oui, Apo, je te l'accorde. C'est pour ça que si vous êtes à l'aise avec le travail en équipe, n'hésitez pas à faire des groupes de révision et répartissez-vous le fichage. Se faire des quiz est le meilleur moyen de retenir des informations. Alors, est-ce que tu as un dernier conseil avant de se quitter ? Alors ça, c'est pour tous ceux qui, comme moi, ont le bonheur de passer 3 heures par jour sur Twitter. Ce réseau, tout comme Insta, sont d'excellents moyens de se tenir au courant de l'actu sans s'en rendre compte. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière si vous voulez des comptes intéressants. Suivez des médias, des journalistes, de plein d'horizons différents, et à force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. ActuVu, c'est déjà fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau récap de l'actu. En attendant, bon courage et prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe et surtout merci à Margot et à Bruno qui se chargent de la technique et du montage. À bientôt et bon week-end.